chanson métaphorique à but révolutionnaire. Les chasseurs de souris viennent chez nous l'après-midi, ou alors le matin ou même la nuit. Ils arrivent et leur mine ravie de chasser les souris nous font sortir des gonds, des rongeurs endormis. Allons, monsieur, dame, soyez prudents, pensez qu'en ce moment il se passe des choses terribles à vous glacer le sang. Ils tombent toujours à pic et pique le mal non sans éthique, et avec un peu de soude caustique ramasse plein de fric. Chasseurs pour arriver ici.